j'arrive et j'accélère. J'avance un peu de travers. J'ai du mal avec les distances. Je sais pas si je suis en retard ou trop en avance. Peu importe, fais-moi un pas de danse. Grâce au gramme, t'es plus molle qu'on le pense. De toute façon, on avance avec plus de pertes que de tact et le temps de tract à la muerte. J'avance et tant pis si je tombe, tant qu'on se relève, c'est qu'on a toujours pas les pieds dans la tombe. Alors lève-toi et marche à l'envers, car si ça tombe, t'auras peut-être pas les bonnes réponses, mais au moins t'auras pas l'air con. Mais c'est pas sûr, du coup je me dis que j'avance et tant pis si je tombe, tant qu'on se relève, c'est qu'on a toujours pas les pieds dans la tombe. Alors lève-toi et marche à l'envers, car si ça tombe, t'auras peut-être pas les bonnes réponses, mais au moins t'auras pas l'air con. Mais c'est pas sûr du tout. Oui mais c'est pas sûr du tout. Oui mais c'est pas sûr du tout. Oui mais c'est pas sûr du tout. Oui mais c'est pas sûr du tout. Alors lève-toi et marche à l'envers, car si ça tombe, t'auras peut-être pas les bonnes réponses, mais au moins t'auras pas l'air con.